Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Les Trois Petits Cochons 2, la légende de Tarzan, Our Kind of Twitter. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Bonsoir les amateurs de musique de Québec et de partout dans le monde, étant donné qu'on est disponible en podcast, et c'est l'occasion de vous signaler que l'émission est disponible en podcast sur le site de CKRL à www.ckrl.qc.ca. Et c'est l'émission Terrain Incognita pour les deux prochaines heures en compagnie de Bruno à la mise en onde et de France à l'animation, ainsi que Jean-François qui vous parle présentement. Bonsoir. Bonsoir France et gros bonsoir à Bruno. Bruno. Et il y a Bruno qui nous envoie les mains et Jacques aussi. Il nous envoie des gros babayes. Si vous étiez à l'écoute, vous avez entendu un peu de bonne musique progressive aussi avec Rush. Jacques qui est un grand amateur de Rush. Et bien ce soir, il n'y aura pas de Rush. On ne fera pas concurrence à Jacques. Mais il y aura beaucoup d'autres choses. Et il y aura du Samurai of Prog. Un bon groupe, à géométrie variable, disons que c'est composé d'un trio, mais qui a énormément d'invités, dont David Meyer et Cameron Alan Chico, qui est... oui, tu le connais. Ben oui, tu me perds, là. Ben oui, tu le connais, c'est le... Ben, que je pense que tu l'avais qualifié de beau petit cœur, le guitariste de Glasshammer. Ah, ben oui! qui jouait sur Les Paul. Mm-hmm. Que tu connais aussi. Oui, beaucoup. En tout cas, tu connais celle-là. Et donc, Samurai of Prog, qui vient de sortir un nouvel album double qui s'appelle Lost and Found. Et c'est avec une pochette vraiment superbe, ce qu'on appelle LP style, abondamment illustré. Deux disques, dont un d'une soixantaine de minutes et sur le deuxième disque, une seule pièce seulement de 57 minutes. Vous avez compris qu'on fera pas jouer celle-là. On a choisi une un petit peu plus courte qui clôt le premier disque. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Et il y a aussi du Elephant of Scotland. Ah, ben là, par exemple, ça, c'est des souvenirs récents. Oui, l'année dernière. Ben oui, avec leur casse avec des cornes. Des cornes, oui. Ben oui, c'est des messieurs assez rigolos qui jouent très bien et qui viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle The Perfect Map. On va en entendre une pièce. Bruno qui fait des grâces, mais qui ne s'adresse pas à nous. Et on va compléter ce premier bloc avec Eric Gillette, un monsieur très, très habile sur la guitare. Lui aussi vient de sortir un disque qui s'appelle The Great Unknown. Ben, on parlera pas plus longtemps. Sinon, pour vous dire que on vous invite à aller voir le www.terrainincognita.québec pour connaître les dernières nouvelles en ce qui concerne l'émission Terra Incognita. Et c'est plutôt la page Facebook de Terra Incognita qui contient toute l'information. Et sur le site que je viens de vous mentionner, vous allez trouver la playlist de l'émission avec tous les titres et tout ce qu'il faut. Et on commence tout de suite en musique avec The Samurai of Prog. skyward gazes, filled with wonder. Lightning blazes, swallowed under. Thirsting stars, light years plunder. Bursting haze, ring silent thunder. Hearts of galaxies drift, then fall. Drawn beyond the siren's call. Black hole song will drown them all. Inside, enticing all the rapid flow of tide. Companion ingesting heaven's course. Energy, splash and clash, exploded masses link. Stormy window blinds the eye, captures light's flash in a wink. Illusion maker, endless taker, point of plight and power. Decimating field and flower, bending plane, halt the hour. of dreams leaves us cause to pause. Stroking beat with creature's feet, avoiding the hit and claws. Wise, except the wise, and they From the lake. Vous écoutez CKRL 89.1. C'est Terra Incognita qui est de retour et on a terminé le bloc avec Eric Gillette juste avant Elephant of Scotland. On avait débuté par Samurai of Prague. Là, Franck, je pense que tu as envie de nous parler de concerts. Ben oui, encore un été, un automne encore rempli de bons spectacles. La capitale du Prague a annoncé Aachen le 3 septembre, Mystery le 2 octobre au SEC. Ensuite, il va y avoir Project Object, la musique qui joue la musique de Frank Zappa. Avec un membre de Frank Zappa, je pense. Oui, je ne sais plus son nom. Le 6 octobre, Martin Barre. Oui, le guitariste de J. Trotol. Oui, le 9 octobre, ça se tient à la salle Sylvain Lelièvre. Et aussi, possiblement dans les prochains jours, la venue de Brand X. Brandix, ça, ouais. Devrait être annoncé. Ouais. Fait que visitez la page Facebook de la capitale du Prague. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, il va y avoir Symphonix X et Lord Univers FX le 4 octobre à la salle Multi, à la salle Méduse. Bon, ben encore beaucoup de musique pour l'automne. Et côté parution, on avait trois belles nouveautés, mais ça arrête pas les nouveautés. Un disque qui me plaît beaucoup ces temps-ci, c'est Mad Felles. C'est un groupe italien. Leur album s'appelle tout simplement Deux, mais je pense que vous le connaissez déjà. Marc en a déjà fait jouer, je pense que Michel aussi. Mais on va en entendre quand même un extrait, une bonne pièce de 14 minutes qui s'appelle Blood Pressure Partie 2. Et ensuite, ça va être Dessin, qui est un ancien groupe dans lequel Chris Squire a fait partie, avant Yes, évidemment. Et mais ce qu'il y a de particulier, c'est pas une vieille pièce qu'on va entendre, c'est un nouvel album qui s'appelle Crosswalks. Et là-dessus, il y a le leader, évidemment, mais il y a aussi l'intégrale de Moon Safari, donc les musiciens sont là au complet. Bon, ça sonne un peu plus Dessin, ça sonne peut-être moins Moon Safari, mais la pièce que j'ai choisie, elle sonne vraiment Moon Safari. Et on terminera le bloc avec The Rome Project. We'll be right back. devils and demons on the run. Lucifer lies in waiting, angels dancing in the sun. Lucifer hesitating. The devil believes his time has come. The world is for his taking. Love and redemption has begun. Lucifer hesitating. I was running like a madman in the asylum. I was hiding like a fox cub in the city. When I thought I saw an angel in the half-light of the dawn. And I opened up my eyes again, and the angel had gone. Lies in waiting, angels dancing in the sun. Lucifer hesitating. The devil believes his time has come. The world is for his taking. Love and redemption has begun. Lucifer hesitating. I was blown around like shrapnel in a battle. I was walking backwards on a road to hell. When that disappearing angel in the half-light of the dawn. And I opened up my eyes again, and the angel had returned. I can hear the silence in the screaming of the crowd, shouting at me. Shines so brightly in the dark. All you need is love to light the spark. It's in your heart. It's in your heart. I'm an urban pilgrim walking roads of imperfection. Crucifix beside me. Lies in waiting, angels dancing in the sun. Lucifer hesitating. Devil believes the time has come. World is for his taking. Love and redemption has begun. Lucifer hesitating. Lucifer hesitating. Lucifer hesitating. Well, I opened up my eyes again, and the angel had returned. 89.1. Les amateurs de rockabilly et de culture vintage seront heureux d'apprendre la tenue de la 3e édition du Rockabilly Burnout. Avec plus de 200 véhicules antiques inusités, une programmation musicale incomparable et son incontournable concours de pin-up, le Rockabilly Burnout est le party rockabilly à ne pas manquer cet été. Visitez le www.rockabillyburnout.com pour plus de détails. Le Rockabilly Burnout 2016, le 2 juillet au Relais Camping La Montagne à Val-Bélair. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Soulfinger, les vendredis 18h30 avec Jean-Sébastien Grondin. Dérapage, les dimanches 19h avec Patrice Drapeau-Bisson. Web musique, les dimanches 20h avec Simon Roy. Le week-end, faites une place de choix à la musique urbaine. Rallonge tes rêves. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Les Trois Petits Cochons 2, la légende de Tarzan. Our Kind of Twitter. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Ouais. Toujours une bonne annonce de la Barberie. Ça me fait penser au plaisir gastronomique. Ah, ils me font toujours rire, eux autres. Il y a des bonnes pubs. Tant qu'à avoir de la pub, autant qu'elle soit drôle. Hein. Et ben, on a eu un beau bloc, je pense, qui s'est terminé avec The Rome Project. Avec une pièce très symphonique qui s'appelle The Seven King of Rome. Et c'était précédé de deux signes qui sonnent énormément sur cette pièce-là, mais seulement celle-là, là, sonnent énormément Moon Safari. On avait débuté très en vigueur avec Mad Fellas et la voix féminine assez, on pourrait dire, power. Et mais tant qu'à être dans le féminin, on va débuter ce nouveau bloc avec Moulettes. Oui, qu'on a vu en première partie de Three Friends en 2014. Mais non, c'est pas l'année passée, ça? 2 octobre, monsieur. Oui, oui, c'est l'année passée. Ah. Non, ça paraît long. Même que des fois, on dit ben ça a passé vite. Ben, oui, avant qu'on parte en voyage, c'est ça, oui. Ben oui, exactement. Mm-hmm. Et ben dans ce groupe-là, il y a le Jim... Mortimer, qui est le fils de Malcolm Mortimer, le batteur de The Three Friends. The Three Friends, exactement. Et je pensais à GG Project. En fait, on a eu une année assez Gentle Giant, et en était question beaucoup. Eh bien, tant qu'à ça, tant qu'à être dans le patinage, on sait que Gary Green avait eu un petit problème cardiaque. On ne sait pas qu'est-ce qui est advenu de lui. On n'a pas eu de ses nouvelles dernièrement. Non. Non? Il faut mettre une femme là-dessus. Non. Et on va continuer avec... en fait, on va écouter... Ben, pour revenir à Moulette, on se demandait, sur ce prochain disque, en fait, qui s'appelle Préter Naturel, on se demandait, est-ce qu'il y aura un petit peu plus le côté progressif qui va être exploité? Ben, moi, je trouve un peu, oui. Il y a plus de bassons, plus de violoncelles. Et ben, la première pièce qu'on va entendre, qui s'appelle Beer Moot, ben oui, ça sonne un petit peu Gentle Giant. Et c'est pas surprenant, parce que il avait dit pendant le spectacle qu'il aimait beaucoup Gentle Giant, et il avait même repris Funny Ways. Et d'après ce qu'il avait dit, c'est un spécial qu'il faisait, parce qu'il avait pas l'habitude de le faire en spectacle, même s'il connaissait la pièce. Mais en tout cas, il avait très, très bien réussi, et c'était très, très beau à entendre. Un autre groupe qui fait très très bien, qui suit un petit peu la même tangente que Anathema, c'est Catatonia. Et il demeure toujours dans un style métal sur la base, mais disons que la voix est toujours douce, on chante pas en death metal. Donc c'est un nouveau disque aussi qui s'appelle The Fall of Art, plutôt. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Takeover. Et on va entendre ensuite Nathan, le groupe italien, sur une pièce. Et on va terminer avec Soul Engine, qui est le groupe. En fait, c'est pas un nouveau disque, ça date de 3-4 ans, mais donc je viens juste de me le procurer. Ça s'appelle Mind Colors. Et c'est le groupe de Fabio Mancini. Et un autre Fabio, qui est aussi, peut-être pas aussi prolifique que l'autre, là. Disons que Fabio Zuffanti l'est beaucoup, mais on pourra en reparler dans les prochaines semaines. Donc on débute avec les Mullets. Understand the planet we live on. Scratch the sun. system tide, the coming of my ruin. Age tears to spine, the devil inside comes back to escort me. Drop you with a cry. Come back and forgive me. venne su dalla pancia del mare col piglio di un re appena acclamato. La gente si fece da parte ammirata, quell'uomo era forse un messaggio divino. Tirò fuori un cobra da un sacco di juta, sfidò il suo veleno, porgendo la gola. Ma il vino che aveva appena bevuto salvò il ciarlatano da morte sicura. Che tempo è? Tempo dei miracoli. Che stella c'è? La notte dei miracoli. Così la sua fama varcava i confini, riempiva le strade di folle esultanti. Persino la scienza sorrese al verdetto che nulla è più vero di quello che vedi. Che tempo è? La c'è, la notte dei miracoli. Nel suo labirinto aveva venduto anche l'ultimo sogno. Il bimbo gli chiese da dove veniva, rispose da un mondo alla fine del mondo. CKRL 89.1. Et nous sommes de retour et on a eu un téléphone parce qu'on aimait beaucoup la dernière pièce qui vient de jouer, c'est le groupe italien Soul Engine avec un album qui s'appelle Mind Colors. On a entendu la pièce Rain Flowers et c'est un groupe qui comprend Fabio Mancini, un très très bon claviériste qui est venu à Québec lors d'une visite avec The Watch. Et il y a un autre collègue de The Watch aussi, c'est Ettore Salati. Et les autres musiciens sont beaucoup moins connus, mais c'est un très bon disque qui est paru il y a à peu près 3 ans. Mais disons que j'avais vu des chroniques, puis je n'avais pas eu l'occasion d'acheter ce disque-là, mais là, j'ai dit, on va faire des recherches un peu. On parlait de ça un petit peu avec Michel dernièrement. Et puis, ça s'est rappelé à mon bon souvenir. Et juste avant, c'était Nathan, un très bon groupe italien, un album qui s'appelle Nebulosa. Et juste avant, sur une note beaucoup plus lourde, le Catatonia, et on avait débuté aussi sur une note assez lourde avec les Moulettes qu'on a vues l'an dernier en première partie de Three Friends. Et s'il nous reste juste un bloc. Oui. La France, il y en reste juste un. Et ça va être un autre groupe, un groupe anglais cette fois-ci, c'est Frost, qui sort pas des disques tellement souvent. Mais celui-là s'appelle Falling Satellite, donc c'est paru récemment et c'est une édition spéciale qui comprend une bonus track. Il y a plusieurs années, il avait sorti un disque qui s'appelle Million Town et ensuite, moi je les avais perdus de vue un peu. Puis là, j'ai décidé de renouer avec ce disque-là, Falling Satellite. On va en entendre une pièce. Et un autre aussi, que j'appellerais un autre revenant, c'est Long Distance Calling, un disque qui vient de paraître, qui s'appelle Trips. Et j'avais bien aimé l'album qui est apparu il y a, ça fait déjà peut-être 8 ans. J'ai réécouté ça, ça m'a donné le goût de tenter ma chance avec ce nouveau disque-là, qui est, je dirais, un petit peu particulier. Il y a des pièces qui sonnent un peu... années 80, j'aurais le goût de dire, un peu rock là, dans ce genre-là. Mais il va falloir que je l'écoute encore un peu plus parce que je l'ai eu seulement cette semaine. Alors, on y va tout de suite en musique avec Frost et Long Distance Calling, un groupe allemand. Trying to rush to the only mind of so lightly. Trying to comfort your mind inside of your heart. Trying to run from the old denial. Trying to comfort the cracks that's near your heart. Trying to offer to just if you try to go for your mind inside of your heart, try to run from the old demand of your heart, try to go for the God says never your heart, try to run but you just stand still. Feel your love. We'll if the universe came to an end, every time there was some uncertainty about what had happened in it, it would never have gotten beyond the first picosecond. And many, of course, don't. It's like a human body, you see. A few cuts and bruises here and there don't hurt it. Not even major surgery if it's done properly. Paradoxes are just the scar tissue. Time and space heal themselves up around them, and people simply remember a version of events which makes as much sense as they require it to make. Long Distance Calling, un groupe allemand, avec leur album Trips, la pièce Flux. C'était précédé de Frost, et c'est déjà presque tout pour nous. On va terminer sur un groupe qui s'appelle Sid Arthur. On se doute un petit peu qu'avec un nom comme ça, ça avait rapport avec Sid Barrett, effectivement. Et le Arthur, ben, c'est Arthur Lee. Donc, ils ont fait le lien entre les deux. C'est un groupe de frères, les frères McGill, et il y a aussi comme musicien Raven Bush, qui est le neveu de Kate Bush. Et c'est sur l'étiquette Harvest, et on voit d'ailleurs sur leur pochette, en fait la pochette intérieure de leur disque, le logo de Harvest, donc c'est bien identifié. Et ça sonne années 70 beaucoup, même si c'est un disque qui est paru l'an dernier. Il y a un nouveau disque qui s'appelle Appreciate, qui doit sortir à l'automne 2016. Donc, on vous laisse sur Sid Arthur de l'album Sound Mirror. On va entendre les pièces Chariot et Singularity. Ben, merci France et merci Bruno. Restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve. Yeah!